Sans faire ses bagages, sans même me dire merci. Je t'écris pour te dire que ton frère nous punit pour son dernier voyage et vers son dernier cri. Sa famille, sa patrie lui ont programmé ses jours, ses nuits, sa vie, sans le laisser parler, choisir ou respirer, sans le laisser penser. Haïr ou bien aimer, je t'écris pour te dire, je t'écris pour te dire que j'ai envie d'hurler. Je t'écris pour te dire que j'ai envie de prier. Je comprends à présent que j'avais tous les torts. Je comprends seulement maintenant qu'il est vraiment mort. Je t'écris pour te dire que ton frère est parti sans faire ses bagages, sans même me dire merci. Je t'écris pour te dire que ton frère nous punit pour son dernier voyage et vers son dernier cri. Pour son dernier voyage et vers son dernier cri.